Ce fut un énorme succès. Le numéro fut enregistré pour la radio et la télévision, de sorte qu'on en parla dans le monde entier. Le sultan de Petaouchnak, qui le vit aux actualités, prit le jour même son avion personnel et s'en fut voir le directeur du cirque. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le sultan. Qu'y a-t-il pour votre service ? Je veux épouser la patate. La patate ? Mais voyons, ce n'est pas une personne. Alors, je vous l'achète. Mais ce n'est pas une chose non plus. Elle parle, elle chante. Alors, je vous l'enlève. Mais vous n'avez pas le droit. J'ai le droit de tout, car j'ai beaucoup d'argent. Le directeur comprit qu'il valait mieux ruser. Vous me faites beaucoup de peine. Cette patate, je l'aime, je m'y suis attachée. Comme je vous comprends. Eh bien, en ce cas, je vous l'achète un wagon de diamants. Un seul ? Deux, si vous voulez. Le directeur essuya une larme, se moucha brusquement, puis ajouta d'une voix tremblante. Je sens que si vous alliez jusqu'à trois. Eh bien, trois donc, et n'en parlons plus. Le lendemain, le sultan repartait pour son sultanat en emmenant la patate et aussi la guitare, car les deux vieilles amies ne voulaient plus se quitter. Cette semaine-là, un grand hebdomadaire parisien publia la photo du nouveau couple avec ce gros titre. Nous nous aimons. Au cours des semaines suivantes, le même hebdomadaire publia d'autres photographies avec des titres légèrement différents. Ce furent successivement « Le Parlement osera-t-il empêcher ? Va-t-il briser le cœur de la patate ? La patate nous a dit en pleurant « Cela ne peut plus durer. » La guitare nous dit « Je préfère m'en aller. » Et cependant, ils s'aiment. L'amour plus fort que tout. Avec ce dernier titre étaient publiées les photos du mariage. La semaine d'après, les journaux parlaient d'autre chose et aujourd'hui, tout le monde l'a oublié.